Chapitre 3e. Ceux qui n'ont pas vu l'orage sous les tropiques ne peuvent concevoir sa violence. Il y a parfois un déchaînement si formidable des éléments que dans le centre d'action du météore, tout se trouve anéanti. Logiquement, le petit groupe composé de Juana et de sa mère, de Don Blas et de Harry, devait être foudroyé sur place. Noyé, ballotté, assourdi, aveuglé, errant sans direction, devenu de tristes épaves, ils se retrouvent en vie grâce à un de ces hasards prodigieux ou de ces caprices bizarres de la foudre qui déconcertent toutes les prévisions. Au moment où l'ardente flamme de l'éclair les environne, le cheval de Juana bronche sur un obstacle invisible et manque de s'abattre. Habile et forte, la jeune fille le relève de la bride. En même temps, un tronc d'arbre en dérive le frappe à la tête. Il perd pied de nouveau, présente le flanc au courant dont la vitesse augmente et se trouve emporté comme une plume. Un cri de détresse s'échappe à Juana. Ce cri entendu dans la nuit soudaine par sa mère, son père et Harry et qui les glace d'épouvante. La malheureuse enfant, saisie par un tourbillon, est entraînée, roulée comme une épave à travers les objets sans forme et sans nom, devenue comme elle le jouet des flots. Cognée au branchage, agrippée par les épines, tirée par les lianes, elle se sent perdue, et dans sa pensée qui vacille, passe comme un trait de feu la silhouette héroïque de Jean de Fer. Un sangle lui échappe, et elle balbutie d'une voix brisée. « Jean, Jean, où êtes-vous ?» D'instinct, elle se cramponne à la crinière de son cheval qui se débat et lutte vigoureusement pour reprendre pied. Le courant les entraîne toujours avec son grondement de cataracte, et cette idée terrifiante lui vient. « La lagune, mon Dieu, je suis perdu !» L'inondation l'emporte en effet, et de façon irrésistible, vers cette mer d'eau douce, aux rives enchantées, aux eaux traîtresses, dont le nom l'a fait frissonner. La lagune des Caïmans. Un sursaut d'horreur la secoue en songeant que dans quelques moments, une heure au plus, peut-être moins, ce sera la lutte suprême contre les monstres. Elle voudrait saisir au passage une branche, tenter de se hisser sur un arbre. Mais elle n'ose lâcher la crinière à laquelle elle demeure crispée avec l'énergie désespérée de gens qui se noient. Du reste, leur refuge sur les arbres est précaire. Ne les voit-elle pas, à la lueur des derniers éclairs, osciller et s'abattre dans les flots boueux fouettés d'écume? Cependant, l'orage diminue de violence et bientôt la pluie cesse de tomber. Les nuées se déchirent et laissent par place apparaître les étoiles. Chose étrange, pas à un moment la pensée ne vient à la jeune fille que son père et sa mère, que Harry, son camarade, et tous les hommes composant la troupe émigrante puissent courir le danger de mort. Ils sont groupés, forment un faisceau de force et de volonté leur permettant de vaincre les obstacles, et cela suffit pour la rassurer. Tandis qu'elle, la pauvre Juana, seule au milieu des eaux limoneuses, avec son cheval qui renacle d'effroi, n'attend même plus le miracle sauveur. Perdue dans la solitude affreuse, vivant cet épouvantable cauchemar de la vie réelle, impuissante à lutter, elle se sent emportée invinciblement vers le lac, et sa voix toute grêle bégaye ses syllabes qui déchirent sa gorge. « La lagune des Caïmans! Oh, des Caïmans! Mon Dieu, prenez-moi en pitié !» Le cheval réussit enfin à prendre pied. Pour un moment, il n'est plus le jouet des flots. Mais sentant qu'il est impossible de lutter contre le courant, il avance lentement, la bride sur le col, pendant que Juana, folle de terreur, reste crispée à sa crinière. Peu à peu, le lit du torrent s'élargit en une sorte d'estuaire. La ligne plus sombre des végétaux qui l'abordent semble s'éloigner. En face, l'espace libre, une vaste étendue d'eau sur laquelle tremblotent les étoiles. Le cheval marche avec de l'eau jusqu'au ventre. Il monte sur un terrain plus ferme, émerge lentement jusqu'aux genoux et brusquement s'abîme dans les flots. Il y a un jaillissement accompagné d'un plouf sinistre et Juana, croyant sa dernière heure venue, pousse un appel désespéré. « au secours, Jean, Jean de Fer, à moi !» Ses cris retentissent au loin sur la vaste étendue de la lagune et n'éveillent, hélas, aucun écho. Le cheval remonte aussitôt, fend l'eau de son poitrail et nage vigoureusement. Ses mouvements n'étant plus entravés par les débris flottants, il avance avec rapidité vers le barrage et tout d'abord ne manifeste aucune fatigue. Il va longtemps, longtemps, du moins à l'estime de la tragique Amazone qui trouve aux minutes une énervante et mortelle durée. Bientôt, cependant, les ressauts de sa nage deviennent plus lents et plus convulsifs. Il s'alourdit, la peur le reprend. Il pousse coup sur coup des hennissements lugubres et souffle à pleine narine. Il y a près de 4 heures que dure cette lutte sans merci. Le pauvre animal va défaillir. il hennit encore avec cette tonalité sinistre des chevaux à l'agonie, pendant que Juana, se sentant périr, adresse, avec sa ferveur d'espagnol, un suprême appel à la puissance divine. Ses membres s'embarrassent. Il va couler. Il s'enfonce, remonte, s'agite, s'avance encore tout crispé, coule de nouveau et reprend pied au moment où Juana ferme les yeux, prononce le nom de Jean et attend la mort. Maintenant, le terrain est solide. En le sentant sous son sabot, le cheval semble reprendre de nouvelles forces. Les membres crispés, rigides, il avance en trébuchant et gagne une langue de terre qui tranche, toute brune, sur les eaux troubles. À ce moment, une lueur rosée apparaît à l'horizon. Le jour va poindre. Enfin, la brave bête émerge peu à peu, arrive sur le sol ferme, hennit doucement et se secoue éperdument. Sauvé, je suis sauvé. Mon Dieu, je vous remercie et vous bénis du plus profond de mon cœur, s'écrie Juana. Engourdie, courbaturée, trempée depuis des heures, elle se laisse glisser à terre et caresse le cheval. Frissonnante sous ses vêtements alourdis par l'eau, elle attend impatiemment le jour afin de s'orienter et contourner la lagune. Elle songe que la caravane doit retourner à l'Occident et ne désespère pas de l'atteindre quand son cheval sera reposé. Mais qu'y a-t-il encore? Quelle nouvelle épreuve lui ménage l'implacable destinée? Des bruits singuliers frappent son oreille, des clapotements étouffés, des glissements sournois, des ébrouements de bêtes aquatiques se font entendre de tous côtés au fur et à mesure que le jour s'élève. Vite, les lueurs grandissent, la lagune s'éclaire. De rapides sillages coupent les eaux tranquilles comme si des centaines d'embarcations rayonnaient vers la langue de terre. Un simple promontoire, long de 20 mètres, large de 3 et sur lequel ne se trouve ni un arbre ni un buisson. Quelques minutes s'écoulent et le cheval manifeste soudain une folle terreur. En vain, Juana tente de le calmer. Il se cabre, pointe, essaie de se dérober. Comprenant qu'il va lui échapper et emporter toute chance de salut, Juana use ses dernières forces à se remettre en selle et réussit par un prodige de vigueur et d'énergie. Elle le tourne vers la terre et l'excite d'un claquement de langue. Il va s'élancer. Trop tard. À perte de vue, le sol, en un clin d'œil, vient de se couvrir de bêtes hideuses qui sortent, toutes ruisselantes, de la lagune. Les sillages proviennent de centaines de caïmans, attirés par les hennissements du cheval, des sauriens monstrueux qui cernent le groupe équestre immobile d'horreur. Ils sont là, tassés les uns sur les autres, se poussant sur leurs pattes courtaudes, enflant leurs échines écailleuses, ouvrant leurs gueules palissadées de dents aiguës et dardant sur la proie convoitée le regard féroce de leurs yeux glauques. Ils couvrent le promontoire. Ils couvrent les eaux qui le bordent, s'agitent, se dressent, se ruent au carnage. En temps ordinaire, Juana lancerait au galop son cheval à travers l'immonde cohue. Elle tenterait de lui faire franchir d'un élan désespéré la barrière mouvante. Peut-être réussirait-elle, mais l'étalon noir, épuisé, pourra-t-il fournir ce suprême effort? Il faut essayer néanmoins. Périr pour périr. En avant. Chose atroce. Le sol du promontoire maudit et mouvant. Les pieds du cheval s'y implantent, y pénètrent, puis s'enfoncent avec une rapidité terrifiante. Au moment où Juana l'excite de la voix et de la bride, il est déjà enlisé jusqu'au jarret. Il ne peut plus s'élancer, même plus se mouvoir, s'arracher de cette terre perfide qui peu à peu va l'engloutir. Il pousse de nouveau son appel angoissé. Le cri de terreur échappe à Juana. La gueule béante, les monstres attaquent résolument. Soudain, un bruit bizarre éclate sur la lagune. On dirait des aboiements de chiens. Oui, c'est bien cela. Cris aigus de roquets, clameurs plus graves de chiens de moyenne taille, grondements de molosses. Il y a une douzaine de chiens qui vocifèrent à pleine gorge. Alors, chose inouïe, invraisemblable et absolument renversante, cette symphonie de meute en chasse arrête comme d'un coup de baguette le carnage commencé. Les caïmans, même ceux qui ont cruellement mordu les jambes du cheval, ferment la gueule, haussent la tête, écoutent gravement et manifestent une émotion vraiment singulière. Ils reculent peu à peu en fouettant l'eau de leur queue, s'immergent avec des mouvements qui eussent été risibles en toute autre circonstance, plongent dans un remous et disparaissent. La symphonie continue toujours au large, mais en s'éloignant de plus en plus. Juana, délivrée de l'effroyable vision, pousse un long soupir de soulagement et brusquement éclate en sanglots. N'était l'horrible odeur de musc et de corruption laissée par les sauriens? Elle s'imaginerait avoir été le jouet d'un cauchemar. Mais son cheval s'enfonce de plus en plus dans le sable mouvant. Déjà, il est enlisé jusqu'à mi-cuisse. Il s'agite avec une furie désespérée, et la violence même de ses efforts le fait enfoncer de plus en plus vite. Juana quitte sa selle et se laisse aller sur ce sol si traître qui mollit sous ses pieds. Il lui tarde de quitter ce lieu maudit, et ne pouvant sauver la pauvre bête, elle s'enfuit pour éviter son sort. Les aboiements viennent de s'arrêter. Alors, un grand silence s'établit soudain. Une voix s'élève, sonore, bien timbrée, lointaine, mais distincte. « Ne t'enfuis pas, reste, attends-moi, tu es sauvée !» Stupéfaite, n'en pouvant croire ses oreilles, craignant d'être l'objet d'une hallucination, elle obéit néanmoins. Elle s'arrête, regarde attentivement du côté de la lagune, et pour ne pas s'enliser à son tour, évite de rester immobile. Elle aperçoit alors une forme longue, étroite, rigide, qui s'avance avec une vélocité singulière. Qu'est-ce à dire? Une pirogue? Un caïman? Ni l'un ni l'autre, peut-être l'un et l'autre. L'objet se précise en approchant. C'est une pirogue mince et légère, taillée et sculptée en forme de caïman. De loin, l'illusion est complète. Cela semble absolument un énorme saurien, et les monstres même s'y laisseraient prendre. L'étrange esquif glisse de plus en plus vite sur les flots. Il est actionné par deux rames courtes, ajustées à l'avant et semblables à deux pattes palmées. Ces rames complètent l'ensemble de l'appareil et en font l'image absolument réussie d'un des amphibies qui habitent le lac. La pirogue arrive au promontoire et s'engage par l'avant sur le sable en raison de la vitesse acquise. De plus en plus interdite, la jeune fille n'aperçoit pas encore le batelier mystérieux de ce canot, plus mystérieux encore. Brusquement, la partie dorsale du caïman postiche semble se fendre et s'ouvrir. Une forme humaine, aplatie de son long, collée aux parois, la tête appliquée dans la fausse tête en bois, surgit comme un diable d'une boîte à surprise. Deux jambes agiles bondissent sur la terre molle. Deux bras enserrent Juana. Une tête fine, gracieuse, bronzée comme une médaille romaine, s'approche de ses joues sur lesquelles deux lèvres vermeilles collent deux bons gros baisers retentissants. Un cri de joie échappe à la jeune fille qui rend étreinte pour étreinte, baiser pour baiser. « Fleur de soleil, toi ici, toi ma chère enfant, ma niña, toi qui me sauves la vie ?» Oui, c'est bien l'intrépide petite indienne, avec son costume en peau de cerf, son collier de corail, sa jolie tête énergique et tendre, ses yeux de diamant noir. Elle répond, de sa voix profonde, un peu gutturale, « Oui, c'est moi, l'indienne qui t'a donné son âme et qui t'aime comme la plus chérie des sœurs. Flore, ma petite Flore, embrasse-moi encore, parle-moi, que tes baisers, que tes paroles m'assurent que je vis !» Que ma raison n'a pas sombré dans cette horreur. » Flore sourit doucement et ajoute, « Ne crains rien, ils sont partis. Tu ne cours plus aucun danger. Et puis, je suis là, moi. Tu es aussi bonne que vaillante, aussi forte que jolie. Oui, près de toi, je n'ai plus peur. Mais allons-nous-en d'ici. Quittons ce lieu maudit. Vois, le sol se dérobe sous nos pieds pour nous engloutir, comme mon pauvre cheval. Oui, il est perdu. » répond l'indienne avec une sensibilité bien rare chez les peaux rouges, dont la dureté à l'égard des animaux est incroyable. Pauvre bête, je ne puis rien faire, hélas. Tout en causant, l'indienne a retiré de sa pirogue les deux pagaies taillées en forme de pattes et servant à la manœuvre de l'esquif. Elle les pose à plat sur le sol et dit à Juana, « Mets tes pieds dessus, tu n'enfonceras plus. Et toi ? Moi, je sais me tenir et me mouvoir sans que le sable se dérobe sous moi. Chère petite Flore, je ne compte plus jamais te revoir. Ta fuite avait été si étrange, si rapide, sans même un mot d'adieu. Il fallait partir. Mais je ne t'oubliais pas, ni moi, ni allant rapide, mon père. Vois-tu, quoi qu'en disent les Blancs d'Amérique, la reconnaissance est une vertu rouge, et nous t'aimons pour la vie. Mais comment te trouves-tu là, ma niña chérie, juste à point pour m'arracher à cette mort épouvantable? J'étais sur la Chinlampa, en attendant l'élan et quelques autres chasseurs. « Quel chasseur ? » dit ma Flore. « De caïman. C'est pour l'instant notre gibier. Les Yankees payent les peaux très cher, jusqu'à 15 et 20 $. Mais tu n'étais pas seul sur l'île flottante. Si, j'étais seul parce que c'est moi qui fais le chien. Je ne comprends pas. Je vais te le dire, ma Juana. Les caïmans, vois-tu, eh bien, c'est les animaux les plus voraces du monde. Oh, je te crois. répond la jeune fille avec une conviction pleine de terreur. Flore continue avec une tranquillité réellement stupéfiante. Cependant, pour ses gueules toujours ouvertes, le chien est la proie préférée. Le chien est pour les caïmans un tel régal, un appât à ce point irrésistible, qu'ils abandonnent tout pour courir après lui. Vraiment ? Alors je commence à comprendre. Bon, tu vas donc savoir ce que font les chasseurs de caïmans pour attirer à eux ce gibier pas toujours commode, qui a des allures un peu brusques, les dents longues et l'appétit solide. C'est bien simple, ils imitent l'aboiement du chien. Et c'est toi, ma petite héroïne, qui seule affronte ces terribles bêtes ? Mais oui, ajoute la fillette en riant de toutes ses dents, c'est moi qui fais le chien. J'ai même un talent tout particulier d'imitation. Tu as entendu, hein ? Je les rassemble en aboyant de toutes mes forces. Et quand il y en a un troupeau, je quitte ma chinampa, je monte dans ma pirogue qui ressemble à un caïman, je pars en faisant manœuvrer mes pagaies comme leurs vilaines pattes griffues. Ceux que j'ai attirés me suivent, croyant que j'en suis un pour de vrai. Je me dirige vers nos chasseurs qui sont en embuscade et qui les tuent. Tu as compris, n'est-ce pas ? Oui, ma Ninia, j'ai compris que tu es bien la créature la meilleure, la plus vaillante et la plus dévouée qui soit au monde. Mais cela ne m'explique pas comment tu t'es trouvée là, pour m'arracher à l'horreur de cette mort. C'est pourtant bien simple, va. D'abord, nous savons que vous avez quitté l'hacienda. Pas possible. Mais oui. Ensuite, nous savons également que vous êtes campé tout près de Tlahualila. Est-ce que nous ignorons quelque chose, nous autres Indiens ? Donc, cette nuit, j'ai été couché bien tranquillement dans ma chinampa, quand l'orage est arrivé. Je le laissais passer non moins tranquillement. Quand le soleil apparut, j'entendis le hennissement de ton cheval, puis ta voix. Aussitôt, je compris tout. Le danger couru, la menace de mort, les caïmans autour de toi. Il n'y avait qu'un moyen pour les faire partir et te dégager, aboyer, aboyer de toutes mes forces. Je fis donc le chien, oh, de tout mon cœur. Ils vinrent, je partis dans ma pirogue en faisant crochet pour les éviter, et ils filèrent vers la chinampa, où ils doivent attendre les chiens. Wop, wop, wop. N'est-ce pas que c'est bien joué ? À présent, partons. Juana voudrait bien s'associer à la gaieté de sa compagne, mais ses nerfs ont reçu une telle secousse que tout ressort paraît brisé en elle. Pendant ce rapide colloque, ses yeux se sont portés sur son cheval qui de plus en plus s'enfonce et dont l'atroce agonie la navre. Elle réagit de toutes ses forces et s'écrie : « Oh oui, Ninia, partons, vite, partons !»